Radiomatique. Amorcer la transmission 4-2-8 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du projet allemand Square Meter, mené par Mathis Motz, qui incarne également le projet Panacea. Du quatrième album de Square Meter, intitulé Parsec et paru en 2001, nous entendions la pièce Our Newfound Unity. Et la transmission se poursuit à l'instant sur la musique de Future Sound of London. cette séquence à Audiomatic se concluait sur la musique du quartet mené par le contrebassiste américain Desron Douglas, de qui nous écoutions la pièce Foligno, tirée de son plus récent album Atalaya, publié en novembre 2022. Avant cela, nous écoutions le Portico Quartet et sa pièce View from a Satellite, apparaissant sur l'album intitulé Untitled, sorti en 2018. Et on amorçait la séquence avec The Future Sound of London et la pièce Magnify Within the Thoughts de l'album Music for Three Books, qui regroupe en fait trois mini-albums qui furent chacun disponibles en format digital avec l'achat des livres de la trilogie Ramblings of a Madman. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le duo anglais The Chemical Brothers. Thank you. Il s'agissait à Audiomatic du duo anglais de Chemical Brothers, mené par Tom Rollins et Ed Simmons, et leur composition de Sunshine Underground, extraite de leur troisième album Surrender, sorti en 1999. Audiomatic se poursuit avec le projet Lopez. Thank you. estábamos los dos mirando el mar. Cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. Corazón, hoy no dejes de latir. Te alejaste un día, ahora decidiste venir. Porque habría de creerte, hubiera dado la vida y mucho más por solo volver a verte. No podría darme el lujo de ceder ante tu llanto. No pienso abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché, pero dejé que se fuera. Recordé todo lo libre que era. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. Corazón, hoy no dejes de latir. Te alejaste un día, ahora decidiste venir. Corazón, venons d'entendre la pièce Ciao, composée par la formation Noteva Gustar pour son album Por lo menos hoy, paru en 2010. Et avant, c'était le projet Lupez de l'artiste uruguayen Nico Costa, de qui nous écoutions la pièce Too Long de son deuxième album intitulé Too, paru en 2005. En conclusion de cette transmission 428 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous offrir la musique du projet britannique Eat Static, tiré de son quatrième album studio Science of the Gods, lancé en 1997. Nous écouterons sa composition Spawn. La transmission 429 d'Audiomatic sera diffusée mercredi prochain à 17h, toujours en direct du studio de la radio CFOU 89.1 FM, et ensuite placée dans les archives d'Audiomatic, disponibles notamment à partir de notre profil facebook.com/audiomatic-CFOU. Voici donc Eat Static et la pièce Spawn. C'était Audiomatic avec les sonoristes.